Passer les passants.

Une jolie fille? Oui, une jupe bleue et des nattes tombant sur les épaules. Ce ne peut être que Michaela. Mon lieutenant. Qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment? C'est la manufacture des tabacs. Les cigarières sont-elles jeunes et jolies? À vous dire vrai, je ne les ai pas beaucoup regardées. Et puis nous avons un faible pour les jupes bleues et pour les nappes tombant sur les épaules. Je ne le nierai pas. Thank you. Oh,